Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « Perdre l'Europe », une série de Christine Le Cerf réalisée par Franck Lilin. Au départ de cette série, il y a cette 5e semaine de confinement et bac ou pas, l'idée de nouvelles écoutes utiles aux lycéens et intenses pour les autres. Et donc, une plongée dans l'histoire dangereuse, passionnelle et tourmentée de l'Europe centrale que l'on doit partager, aussi sombre soit-elle. Alors pour commencer, les personnages. Un dramaturge polonais, une voix éteinte, une femme dans les ruines, une arrière-petite fille de rescapée, un homme sans racines et un cinéaste qui répare. Ensuite, le décor. Budapest, une chute, l'antisémitisme à son paroxysme, la guerre, des occupants, une bibliothèque perdue, des camps d'extermination, l'URSS, l'aveuglement et le rideau de fer. Aujourd'hui, 2e épisode, on remue les souvenirs. In Budapest, 42. Budapest, 1942. Mein erstes Erlebnis. J'avais 2 ans et demi. Anderthalb, zwei. Et il y a eu un bombardement. Und ein Bomben. C'est ma première expérience de la vie. Mon tout premier souvenir. Mein erstes Bild. Ma toute première image du monde. Sicher gibt es noch frühere. Il y en a sûrement eu d'autres auparavant, mais elles n'ont pas conservé la puissance de ce choc, de cette violente déflagration. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et ça s'est terminé par une chute. Ma mère et moi, nous avons chuté ensemble. Puis nous avons été ensevelis sous les décombres. Ce qui s'est passé après cette chute, après cet écroulement de briques, comment nous nous en sommes sortis, je ne le sais pas. C'est ma première expérience de l'Europe. C'est cela pour moi l'Europe. Das ist nicht Michelangelo, nicht Shakespeare, nicht Molière, sondern dieser Sturzkrieg. L'Europe, ce n'est ni Michel-Ange, ni Shakespeare, ni Molière, c'est cette chute. C'est la guerre. Perdre l'Europe. Un champ de ruines. Par Christine Le Cerf et Franck Lilin. Die Wahrheit dahinter ist, dass Europa immer beides sein konnte, Himmel und Hölle. L'Europe, c'est tout à la fois. C'est le paradis et l'enfer. Europa, L'Europe, c'est les trains de la mort et Interrail. Und Europa, das ist Interrail. Tout dépend de ce que l'on choisit. Wir können uns entscheiden, was wir wollen. Ich bin für Interrail. Moi, je suis pour Interrail. J'ai du mal à vous donner une image là qui résume ce que je pense de l'Europe. Peut-être des tranchées. Peut-être des tranchées. Des tranchées infinies. Avec des soldats sans visage. Peut-être. Laszlo Némes. Un immense champ de bataille. Beaucoup de tranchées, beaucoup de des scènes de bataille vues de haut, avec plein de soldats qui fourmillent. Et au-dessus de ce champ de bataille flotte, énorme, gigantesque, l'image d'un colosse, une femme. Comme si le désir de l'époque n'était pas aussi clair que ce qu'on comprend aujourd'hui. Et je pense qu'il y avait beaucoup de désir avant la Première Guerre mondiale. Le désir, l'attente de quelque chose, une attente presque biblique. Et puis toutes ces destructions, ce désir et cette destruction peut-être, ne sont-ils pas séparables? La guerre n'est en réalité que destruction et mort. Dans une Europe qui était parvenue au printemps, été 14, à une sorte d'apogée de son histoire culturelle. Jacques Le Rider. Ayant porté le progrès scientifique, technique et moral, si l'on veut, à son maximum, ayant accumulé des trésors d'art, de philosophie et de littérature, a basculé d'un seul coup dans la barbarie destructrice et autodestructrice. Et d'autre part, l'après-guerre a été catastrophique aussi. La guerre a été une rupture de civilisation pour tous les Européens, pour tous les Occidentaux. Les grandes dates communes du patrimoine européen, on peut en lister quelques-unes. Pour le XXe siècle, vous avez 1914. Johann Chapoutin. Avec le déclenchement de la Grande Guerre. Vous avez ensuite un déclenchement de la Seconde Guerre mondiale qui est diffractée. Les hostilités commencent véritablement avec l'attaque allemande en 1940, alors que ça commence dès septembre 1939 pour cette pauvre Pologne. Et là encore, vous avez un déclenchement différé, 1941, pour le Grand Est, pour l'Union soviétique, puisque la Grande Guerre patriotique, c'est 1941-1945. Je suis né en 1943, 2 ans avant la fin de la guerre. Je n'ai pas de souvenir des troupes russes traversant la Pologne. Mais on m'a raconté que je disais aux Russes « papa », j'ignore pourquoi. Christiane Lupa. Et puis j'ai commencé à prendre conscience. Les premiers souvenirs de mon enfance sont fascinants. Je ressentais les séquelles de la guerre, les troupes qui défilaient, leurs chants. La présence de ces soldats évoque encore en moi une inquiétude sourde. Pour moi, c'est presque démoniaque, une espèce d'angoisse profonde. C'est étrange, je ne me souviens pas de la guerre, mais elle revient toujours dans mes rêves. Là où je suis né, il y a des lieux sous les ponts, dans les tunnels, où la guerre surgit dans mes rêves. Alors, la Seconde Guerre mondiale a complètement bouleversé. D'abord, il y a eu le partage de la Pologne entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, le 23 août, qui est, dans la mémoire des Européens de l'Est, une date centrale, alors qu'en Europe de l'Ouest, personne ne le connaît. Étienne François. Les Soviétiques ont déporté beaucoup de monde, les Allemands ont commencé de massacrer tout de suite des Juifs et des élites polonaises. Et puis, il y a eu surtout, à partir du déclenchement de l'opération Barbarossa, c'est-à-dire de la guerre contre l'Union soviétique, un nombre de morts énorme, une brutalité et une criminalité dans la guerre dès le début, dont on ne peut pas s'imaginer. En France, nous connaissons bien Oradour, mais je dirais qu'il y a eu un millier de Oradour, au moins en Europe centrale et orientale. Les Allemands ont fait 6 millions de prisonniers de guerre dans les premiers mois, là où ils étaient très offensifs. Et on estime qu'il y a à peu près la moitié des prisonniers de guerre soviétiques qui sont morts de faim. Edgar Ilsenrath. En 1941, les Allemands attaquent l'Union soviétique. Les Roumains entrent en guerre et s'allient à Hitler. Un an auparavant, les Russes avaient envahi une partie de la Roumanie, la Bessarabie et le nord de la Bukovine. Les Roumains espéraient récupérer leur territoire en s'alliant aux Allemands. Ils ont appliqué toutes les lois anti-juives instaurées par les Allemands. Le 14 octobre 1941, tous les Juifs de Bukovine ont été déportés à l'Est. Je m'en souviens très bien. Des affiches avaient été placardées dans toute la ville qui donnaient ordre aux Juifs de remettre tout leur argent et tous leurs bijoux et de se présenter à la gare à 6 heures du matin. Quiconque restait chez lui serait fusillé sur décision de la cour martiale. Nous sommes donc allés à la gare, nous n'avions pas d'autre choix. Nous avons roulé 3 jours durant et traversé l'Europe de l'Est. Au bout de ces 3 jours, nous sommes arrêtés en Bessarabie, près d'un grand fleuve, le Dniestre. Le lendemain, nous avons tenté de le traverser. Comme le pont avait sauté, nous avons dû traverser sur un radeau. Une fois arrivés sur l'autre rive du Dniestre, nous avons découvert les ruines d'une grande ville ukrainienne, Mogilev-Podolsky. La ville était coupée en deux. Une partie chrétienne et une partie juive. La partie juive était un ghetto. Nous avons alors rejoint ce ghetto. L'hiver russe était glacial. La plupart des gens mouraient de froid pendant la nuit. Et je me souviens qu'au petit matin, on ramassait les morts dans les rues et on les emportait. Et ça, c'est un autre aspect de la brutalité exterminatrice dans la partie de l'Union soviétique qui a été la plus touchée, mais c'est l'Ukraine et la Biélorussie, mais je crois l'Ukraine encore plus. Et alors là, le massacre des Juifs a été très important, un bilan de massacre extraordinaire, de haine, de guerre impitoyable, dans laquelle la dimension ethnique, la dimension raciale, la dimension idéologique était au moins aussi importante que la dimension nationale, sinon plus. Les nazis ont emprunté à la tradition culturelle de long terme, européenne et occidentale, l'antisémitisme, le racisme, notamment dans le cadre de la colonisation, un capitalisme particulièrement inhumain, le darwinisme social, tout cela a été concentré, radicalisé et mis en pratique par les nazis. Cela a été une réalité européenne. Et puis, en 1944, les Allemands se sont repliés, ainsi que les Roumains qui ont quitté la région. Les Russes sont alors arrivés. C'était notre libération. On était en mars 1944. Je me souviens très bien du premier Russe que j'ai vu. Il était sur un chariot tiré par des petits chevaux. Il est passé devant nous en agitant sa mitrailleuse et en criant « À Berlin ! À Berlin !» Pour ce qui est de la fin de la guerre, là aussi, vous avez 1945, peut-être, enfin 44-45 pour le Finistère de l'Europe, pour la France, mais vous avez plutôt 1947 pour l'Est de l'Europe, avec la fin des conflits ethniques et des déplacements de population entre Pologne, Ukraine, zone balte et Union soviétique. De la guerre, j'ai plutôt les souvenirs de la fin de la guerre. Petr Kral. Où j'étais quand même, où j'avais un peu grandi par rapport à ma naissance, ici même à Prague. Une sorte de nuage sombre voile quand même l'enfance, parce qu'il y avait une atmosphère plus ou moins stressante et qui, malheureusement, ici ne s'est pas dégagée de sitôt. Moi, je me souviens surtout d'une grande explosion qui a terminé la guerre pour moi. Mais je me souviens aussi d'un char ou peut-être d'une colonne de chars allemands qui s'en allait sous nos fenêtres, qui était éclairée par un soleil presque matériel, parce que j'avais l'impression que les soldats étaient enveloppés d'argile, tellement le soleil était massif. Et c'était la fin de la guerre, soudain, comme si on se réveillait. Mais surtout, en tout cas rétrospectivement, je vois les Allemands s'éloigner comme s'ils se retiraient de la scène même de l'histoire. Je suis né à Cologne. Je suis né dans la ville. 1953. Marie-Louise Knott. Et quand on est né peu de temps après la fin de la guerre en Allemagne, on n'a peut-être pas de souvenirs personnels de cette période, mais il en reste toujours des traces. On a forcément joué sur des terrains vagues, au milieu des trous creusés par les bombes. On a forcément entendu parler, même vaguement, de gens qui ont péri pendant la guerre. Mais avant toute chose, et c'est ce qui, à mes yeux, est typique de notre génération, nous avons grandi dans le silence. On ne nous racontait rien. On ne m'a jamais rien raconté de la guerre pendant mon enfance. C'est pourquoi l'Europe, pour beaucoup de gens de ma génération, cela signifiait avant tout quitter l'Allemagne. Beaucoup y sont d'ailleurs parvenus. C'était pour eux une nécessité, se soustraire à ce silence, aller voir ce qu'il se passait ailleurs. C'est plus tard que je suis partie à Berlin. À chaque pas que je faisais dans la ville, je me retrouvais confrontée à l'histoire. Chaque tache de verdure, hormis le parc du Tiergarten bien sûr, chaque terrain vague était la trace d'une ancienne possession juive. Lauter Ecken, wo nichts war. Il y avait partout ces espaces vides, cette absence des Juifs dans la ville. Mon arrière-grand-mère était née à Budapest dans une famille juive. Voilà, c'est la seule branche de la famille qui vit encore aujourd'hui. Le reste de la famille a péri dans la Shoah. Clara Royer. Pour moi, l'Europe centrale, ce sera plutôt une bibliothèque dans laquelle... La plupart des étagères se sont effondrées, tous les bouquins sont par terre, les pages sont cornées, emmêlées. J'ai vraiment ce sentiment-là. C'est même une image qu'on peut étendre à l'Europe dans le fond. C'est ça. Je trouve qu'il y a un monument à Berlin-Est qui explique un peu le vide que nous en sentait sans savoir ce que c'était quand nous étions jeunes. C'est la place où on a brûlé les livres en 1933. Et il y a un Israélien qui a fait un monument là-dessus. C'est une grande place devant l'opéra et devant la cathédrale catholique. Et la place, elle est très, très grande et très, très vide. Et on marche dessus et on voit rien. Et puis on tombe sur un panneau avec une citation de Heinrich Heine. Là où on brûle les livres, on va brûler les hommes. Et puis, tout d'un coup, on voit en bas... Il y a un carré où on voit en bas une lumière, et dans la lumière, il n'y a que des... Il y a une bibliothèque vide de tous les côtés. Il n'y a rien dedans. C'est juste une bibliothèque, mais il n'y a pas un livre. Et pour moi, c'est la création artistique du vide avec lequel on a toujours vécu et qu'on sent toujours. On sent toujours que les gens ne sont pas là. Pas seulement les livres, mais surtout, les gens ne sont pas là. Et j'ajouterai que c'est l'Europe tout entière qui a perdu son âme au moment de la Shoah. Non seulement qu'elle a perdu son âme parce que les Juifs en étaient l'âme, mais parce qu'elle a perdu son âme au sens d'avoir commis le crime le plus abominable qu'on puisse concevoir. Donc elle a perdu son âme doublement. Elle a perdu l'âme européenne incarnée par les Juifs, mais elle a perdu aussi son âme tout court. Et donc, c'est vrai que du tournant du siècle jusque à la Deuxième Guerre mondiale et à la Shoah, les Juifs sont en Europe centrale une partie déterminante des élites intellectuelles, artistiques, universitaires, et que la destruction des Juifs d'Europe centrale, c'est un coup mortel porté à la culture européenne en général, dont ces pays auront un mal fou à se remettre. L'Europe centrale, dans ces années d'extermination, a perdu l'un de ses ciments les plus importants, qui était la communauté juive. Et avec cette extermination, une Europe centrale qui est marquée par ses fantômes, hein, et ça se voit, ça se sent dans la littérature, pensons à Austerlitz, de Sebald, mais c'est vraiment pas le seul à réfléchir sur les fantômes et sur les spectres historiques qui marquent encore l'histoire et le quotidien de l'Europe centrale, pas seulement de l'Europe centrale d'ailleurs, et ce gigantesque trou qui se reproduit dans les familles. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une Europe avec des centaines de milliers de familles qui ont des trous gigantesques en elles. Je suis né à Vienne, j'ai grandi à Vienne. Du côté de mon père, toute notre famille était juive. En 1938, tous les membres de cette famille ont dû fuir le pays. Et ceux qui y sont parvenus se sont ensuite éparpillés aux quatre coins du monde. Mon père avait fui en Angleterre alors qu'il était enfant. Robert Menasse. Il n'est rentré à Vienne qu'en 1947 ou 1948. Une de mes tantes était partie à Buenos Aires, une autre à Tel Aviv. J'avais de la famille un peu partout en Europe, du moins ceux qui avaient survécu et qui avaient pu y retourner. Mais on ne racontait pas grand-chose dans ma famille. Nicht viel Erzählungen. On ne parlait pas vraiment ouvertement de ce qui s'était passé. Also man kann nicht sagen, dass hier wirklich offen erzählt wurde. J'avais toutefois l'impression que ma famille n'était pas tout à fait normale, qu'elle n'était pas tout à fait comme celle des autres enfants que je côtoyais à l'école. Meine Familie anders war als die sogenannten normalen Familien. Quand mes camarades me parlaient de leur tante, c'est parce qu'ils l'avaient vue le week-end dernier. Moi, je leur parlais d'une tante que je n'avais encore jamais rencontrée. Imaginez un peu. C'est à ce moment-là que j'ai compris que nous n'avions pas de lieu, que nous étions enracinés nulle part. Den Ort, wo man verwurzelt. C'est ce qui explique aussi, je pense, und ich glaub, das war auch der Grund, warum pourquoi ich so j'ai tant voyagé en Europe. In Europa herum, pourquoi je suis passé d'une ville à une autre. Und warum ich j'ai toujours cherché le Makom, comme on dit en hébreu. Makom, ja, auf Hebräisch, also den Ort, le lieu wo ich leben où je peux vivre, aller. Parce que je l'ai choisi. Pia Schönberger. Die Antwort auf die Frage, wo könnte man sich treffen, um über Où trouver à Vienne un lieu de mémoire européen? C'est une question très difficile. C'est aussi difficile que de choisir un livre susceptible de représenter l'âme européenne des Viennois. On pourrait citer la marche de Radetzky de Joseph Roth, Auto da Fe d'Elias Canetti ou encore die Studelhofstiege de Heimito von Doderan. Sans oublier un livre très important à mes yeux, Les enfants des morts d'Elfriede Jelinek, qui dépeint avec tant d'acuité ce mal du siècle autrichien. Tous ces sentiments accumulés, indéfiniment refoulés dans l'âme et dans l'histoire autrichienne. Il est donc aussi difficile de trouver un livre que de trouver un lieu. On se trouve au Judenplatz, au centre de Vienne. Dieses Mahnmal von Rachel Whitred stellt ein Zimmer dar. Le monument de béton que vous avez là a été conçu par Rachel Whitred. C'est une œuvre qui représente l'un des nombreux appartements de la place des Juifs. Les murs sont tapissés de livres en béton. On ne voit que leurs tranches. Les dos ont été retournés. Quand on regarde le monument de face, on voit que la porte de l'appartement n'a pas de poignée. Ce qui signifie que l'on ne peut pas entrer, comme on ne peut pas non plus lire ce qui est écrit sur le dos des livres. Ce monument est dédié à la mémoire des 65 000 Juifs assassinés en Autriche. Derrière tous ces livres alignés, dont on ne peut pas lire ni le titre, ni l'auteur, derrière cette façade anonyme, cette rangée infinie de morts, il y a toutes ces vies, tous ces destins de Juifs assassinés qu'on ne connaîtra jamais. Finden werden. Am Sockel dieses Mahnmals. Sur le socle du monument, l'artiste a gravé les noms des lieux où ces meurtres ont été commis. Diese Ermordungen stattgefunden haben. Und somit erhält c'est ce qui donne à ce monument toute sa dimension européenne, car un grand nombre de pays européens, centre-européens et est-européens ont organisé ces déportations et perpétré ces meurtres. Il suffit de penser à la France avec Drancy, à la Pologne avec Auschwitz, à la Biélorussie avec Mali-Trostenets, à Riga. Minsk, Weißrussland, Mali-Trostenets, denken wir an Riga, diese Liste ließe sich. La liste n'en finit pas. On peut vraiment. Regardez comment toute l'Europe était affectée par ces événements. Parce que quand on regarde ce Mahnmal, on peut lire beaucoup, beaucoup de noms des lieux où des Juifs européens ont été assassinés par les national-socialistes. Et aussi, très souvent, dans un acte de collaboration avec les autres pays européens qui ont été occupés ou aussi ont collaboré. Alors c'est vraiment quelque chose qui doit faire partie de la mémoire européenne, oui, naturellement. L'Holocauste, la Shoah ne sont pas les taches aveugles de la mémoire européenne. Au contraire, ce sont les fondements qui ont servi de base à la construction européenne. C'est parce que l'on s'était promis qu'une telle chose ne se reproduirait plus qu'on a pu bâtir l'Union européenne. Il ne faut pas oublier une chose. Dans un camp comme Auschwitz, qui est le symbole de l'Holocauste, dans un camp d'extermination comme Auschwitz, il n'existait plus aucune identité nationale. In Europa ausgelöscht. Que vous soyez polonais, allemand, autrichien, viennois, russe, était sans importance. C'est égal. Cela ne changeait rien. Und lebtest, vous n'étiez qu'un numéro. Alle lebten mit einer, mit portiez les mêmes vêtements. Mit derselben Kleidung, mit das, et vous viviez dans l'ombre de la même mort. Desselben Todes. Und vor allem hatten alle, unabhängig von der jeweiligen Nationalität, quelle que soit leur nationalité, avaient formé le même vœu. Utopie. Le même espoir. Wenn wir das überleben, tous s'étaient dit, wollen wir si nous survivons, nous demanderons la création d'un état de droit, und Freiheit, la garantie d'une vie libre fondée sur les droits de l'homme, l'instauration des droits de l'homme. Il était là leur désir commun. Das war die gemeinsame Sehnsucht. Und et c'est ce qui aurait dû guider le projet d'Union européenne. Europäischen Einigungsprojekt führen können. Ja? On a toujours eu, après la guerre, cette tentation de montrer le camp de l'extérieur, suivant le paradigme de la survie. Pour moi, c'est un mensonge, quelque part, notamment véhiculé par le cinéma. Je ressentais la nécessité de raconter de l'intérieur cette expérience. Ce que je peux vous dire, c'est que, quelque part, ce qui est mort à Auschwitz et dans les camps de concentration, c'est l'idée même de l'Europe. Jusqu'à aller, en utilisant la technologie, aller jusqu'à l'extermination industrielle des peuples. Donc c'était, quelque part, l'idée même de l'Europe qui a été tuée. Je l'affirme sans hésiter, et je le dis en tout cas par exemple à propos de l'Autriche. Vienne ne ressemble plus à Vienne après 1945. Vienne est une sorte de ville morte après qu'on a tué ses Juifs. Si la Première Guerre mondiale a été une tentative de suicide, dont l'Europe ne s'est remise que sous la forme d'une sorte d'Europe infirme et sur fauteuil roulant, si j'ose ainsi dire, alors le suicide de l'Europe dans la Deuxième Guerre mondiale a été complet et pratiquement, au point de vue culturel, l'Europe centrale mettra très très très longtemps pour s'en remettre. Je suis née le 20 août 1945 à Moravie, à la ville qui s'appelle Brno. Sylvie Richterova. Et surtout, je me rappelle que je regardais toujours les trous des armes. Et alors, on lisait les traces de la guerre sur les murs. Mais toute mon enfance, je rêvais les bombardements de la ville. Ma première enfance est très signée, très marquée par la guerre. Bon, mon grand-père, le père de ma mère, a été condamné à mort pendant la guerre. À la fin, il était retourné du camp de concentration. Et il était important, il avait fait même la Première Guerre mondiale. On vivait, mes parents et leurs amis, on vivait, comment dire, très proche de ceux qui ne sont pas retournés. Parce qu'ils étaient juifs et ne sont pas retournés, ou parce qu'ils se sont perdus quelque part comme partisans. C'était des personnes proches de mes parents, des amis. Ma mère venait d'une ville d'où d'une grande communauté juive était retournée, deux ou trois personnes, et c'était presque partout comme ça. D'autre part, il y avait une grande attention, surtout sur des documentaires de cinéma, on amenait des enfants, des petits-enfants, à voir des films, des camps de concentration horribles. Et je me rappelle là, cette horreur, je ne peux même pas l'appeler peur, parce que cette horreur, ça nous paralysait. Alors, de ce point de vue, on était très informés. On était très informés. Bien sûr que le communisme ne soulignait pas le fait des Juifs, mais c'était tellement présent, c'était tellement proche. En ce qui me concerne, ça peut paraître étrange, mes parents m'ont emmené à Auschwitz lorsque j'avais 6 ans. Et j'en suis sortie transformée. Olga Tokarczuk. À l'époque, j'essayais de comprendre avec mon imaginaire d'enfant ce qui s'était passé. Je ne sais pas si c'était une bonne décision, si ce n'était pas un peu trop tôt pour moi. En tout cas, ce que j'ai appris là m'a accompagné toute ma vie. Я родился в 1948 году евреем. Je suis né juif en 1948. Где происходила страшная антисемитская кампания. L'année où débutait en Union soviétique une terrible campagne antisémite. Леонид Гершович. Тема катастрофы. Cette vague de persécution et la terreur qui l'entourait avait complètement évincé la Shoah. Le thème de la catastrophe n'existait pas en Russie du temps où j'y vivais. On se disait, Hitler exterminait les Juifs, mais Staline, lui, exterminait ses propres sujets. Peut-être même qu'Hitler était moins terrible, car il n'assassinait que les Juifs, les étrangers. Staline était plus effrayant et il avait tué plus de gens. C'est ce que je ressentais à l'époque. De plus, le totalitarisme soviétique était toujours là. Сталинизм жив, тоталитаризм в Союзе жив. В Германии этого больше нет. Германия изжила нацизм. Alors que l'Allemagne était sortie du nazisme. Томас Ман был моим знаменем. Mon étendard, но никак не воспоминание. C'était Thomas Mann et pas la mémoire de la Shoah. Но когда мы уехали из России, mais lorsque nous avons quitté l'URSS, tout s'est remis en place. И вдруг катастрофа, Шоа, Холокост, слова вообще незнакомые в России. Soudain, les mots «катастрофе», «Шоа», «Холокост», des termes que l'on ne connaissait même pas en Russie, ont fait leur apparition. J'ai découvert le mot «Холокост» en Occident. Весь ужас того, что произошло, и вот этот вот, эта травма. Exilé en Israël et encore davantage en Allemagne. Страшную травму, очень важную травму. J'ai ressenti toute l'horreur de ce qui s'était passé. Это что касается катастрофы, Шоа. Это большая травма, с которой живут все евреи в мире. Но пока Советский Союз удерживал нас, en URSS, стенах, она не была on n'en parlait pas. Pour la simple raison que le mot «juif» était indécent. Не говорили никогда. Inconvenant. По той причине, что слово «еврей» было неприличным. Его было неприлично вслух произносить лишний раз. Старались этого не делать. À mon avis, la Seconde Guerre mondiale n'a pas laissé une mémoire homogène en Europe. Je dirais qu'il y a deux mémoires qui sont déterminées à la fois par cette différence entre l'Europe occidentale, l'Europe centrale et orientale, mais aussi qui a été dédoublée par la guerre froide entre 48 et 89. Dans les pays de l'Europe occidentale, qui était sous le patronage et la tutelle des États-Unis. C'est-à-dire que l'élément central, c'est l'Holocauste. Et que on ne peut rien comprendre à ce qui s'est passé au XXe siècle si on ne rappelle pas que à la base de tout, il y a l'extermination des Juifs. C'est pas ce qui se passe en Europe centrale et orientale. En Europe centrale et orientale, où il y a eu, objectivement parlant, beaucoup plus de Juifs qui ont été massacrés. Dans ces pays-là, on a une situation très différente. Tant que l'Europe de la guerre froide était coupée en deux, le grand récit d'interprétation qui avait été formé avant tout en Union soviétique, c'est que la guerre de la Seconde Guerre était une guerre contre l'impérialisme du fascisme. Et donc, ce contre quoi on a lutté, c'est contre le fascisme. Le fascisme était brutal. Il a massacré des Juifs, c'est vrai, mais il a massacré aussi des Polonais, il a massacré des Ukrainiens, des Russes, etc., etc. Et donc, dans cette interprétation antifasciste de la Seconde Guerre, il n'y a pas une place à part pour les Juifs. Ich bin 1962 in Dresden geboren. Je suis né en 1962 à Dresden. Bin eben in Dresden et j'ai grandi. Aufgewachsen und glaube ich doch sehr. C'est une ville qui m'a beaucoup marqué. Ingo Schulze. Dresden, comme on le sait, était une ville très détruite, avec beaucoup de terrains vagues et de ruines. Ich kann Ihnen leider gar nicht genau sagen, wann ich das erste Mal. Je ne peux pas dire précisément quand j'ai entendu parler de la Shoah pour la première fois. Sehr früh, schon im Kindergarten, spätestens in der Schulzeit. Ce que je peux dire, c'est que très tôt, dès l'école maternelle ou au plus tard à l'école primaire, on nous parlait de ceux qui avaient combattu le fascisme, les communistes. Le directeur de notre école, que nous aimions beaucoup, était lui-même un vieux communiste qui avait été déporté. Ces récits sur la persécution politique et le mouvement de résistance communiste ont tout occulté. Mais donc impossible de dater avec précision ma prise de conscience de la Shoah. Ce n'est qu'à l'adolescence, vers 17-18 ans, que j'y ai été vraiment confronté, par le biais de la littérature, bien sûr, mais aussi des concerts et des chansons. Je pense par exemple à la chanteuse Lynn Yaldati, qui a été très importante pour moi. Elle avait été elle-même déportée dans les camps avec sa fille. Lynn Yaldati racontait sur scène tout ce qu'elle avait vécu. Son départ pour Auschwitz, l'arrivée dans le camp, la rampe, le fait d'être rasé, tatoué. Cette expérience concrète était nouvelle pour moi, et elle l'a été sans doute pour beaucoup d'autres. Je pense que cela a été quelque chose de déterminant dans ma prise de conscience. Ensuite, il y a eu bien sûr la littérature. Primo Levi a été très important. Il y en a eu d'autres. Mais le grand livre qui dominait était incontestablement Nu parmi les loups de Bruno Apitz, qui faisait le récit de toute cette histoire antifasciste. Finalement, cette Europe a été construite pour s'opposer à la guerre, mais également contre la destruction et contre Auschwitz. Doron Rabinovich. L'Europe n'en a pas toujours été consciente à chaque étape de sa construction, c'est évident. Mais quand on pense au nombre d'années qu'il a fallu à l'Europe, pour intégrer des pays comme l'Espagne, le Portugal ou encore la Grèce, cela montre bien que cette construction n'était pas seulement un projet économique, comme on l'entend souvent dire. On n'aurait pas eu autant de mal à intégrer tous ces pays sinon. On ne peut pas non plus dire que l'Europe a été construite dans le but de s'opposer au pacte de Varsovie. C'était plus que ça. Et c'est devenu bien plus que ça après la fin de la guerre froide et l'élargissement à l'Est. Cette Europe était en réalité un projet basé sur une expérience vécue. Après 1945, tout le monde savait comment cela s'était terminé. Et les forces qui s'opposent aujourd'hui à l'Europe le savent très bien aussi. Elles ne s'opposent pas aveuglément au projet européen. Bien au contraire, elles le font en pleine connaissance de cause. Pendant des années, en Autriche, on n'a pas voulu voir la Shoah. L'Autriche exportait, pour ainsi dire, sa responsabilité historique en Allemagne. Dans les années 80-90, le pays a toutefois changé sa vision de l'histoire. C'était la condition sine qua non pour qu'elle puisse entrer dans l'Europe. L'Autriche était obligée de changer de vision. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une phase différente. Ces forces opposées à l'Europe ne sévissent pas seulement en Autriche, mais aussi en Italie, en Hongrie ou en Pologne. Comme en Autriche, elles rejettent cette Europe de la mémoire. Elles ne veulent pas de ce langage commun européen. La Shoah est un sujet très douloureux en Pologne, parce qu'il touche les questions liées à la propriété, aux maisons, à la terre. Il y a aussi cet antisémitisme qui existait bien avant et qui a continué à exister d'une façon masquée sous le communisme. Taki ukryty był kultywowany w czasach komunizmu i teraz, kiedy pojawiło się przyzwolenie na rzeczy jeszcze niedawno. Aujourd'hui, en permettant des choses qui étaient auparavant condamnables, ce phénomène a repris de l'ampleur. Je pense que la Pologne est malade, qu'elle est atteinte d'un syndrome lié à la Shoah. Choroby, głębokiej choroby związanej z Holokaustem. Z drugiej strony ta choroba przypomina jakąś reakcję auto-immunologiczną. C'est une sorte de maladie auto-immune, car toute la culture polonaise, toute la Pologne est imprégnée de religion, de tradition juive, comme aucun autre pays au monde. I zrośnięta z kulturą, religią, mentalnością żydowską, chyba jako jedyny kraj. Il est impossible de penser ces deux choses séparément. Rozczepić w żaden sposób. W związku z tym l'antisémitisme est donc une réaction contre nous-mêmes, qui vise notre propre antisémitisme, culture. Na przykład jest taką reakcją, c'est quelque chose de très frappant. Przeciwko sobie, przeciwko tej właśnie kulturze. Jest bardzo, bardzo zastanawiające, bardzo szczególne. Oczywiście, że jest. To jest jakby taki mroczny akord, którego z tej całej symfonii, którego się nie da pozbyć. La Shoah est comme l'accord dissonant, la note sombre d'une symphonie impossible à effacer. L'histoire de la Shoah n'a pas été vraiment comprise par la Hongrie. Je pourrais extrapoler, évidemment, pour d'autres pays, je ne le ferai pas, mais c'est sûr que la Hongrie n'a jamais fait face à ce qui s'était passé et puis à sa propre responsabilité dans l'extermination d'un demi-million de Juifs, de ses propres citoyens, des voisins et des amis. Quelque part, c'est resté là, et je pense que le fait que j'ai, même dans les années 80, on pouvait ressentir beaucoup d'antisémitisme, même pour un enfant, à l'école, dans la rue, etc. Des choses qui revenaient sans cesse, des phrases, des injures, on ressentait cette espèce de pogrom larvé, et je pense que ça m'a marqué beaucoup, oui. Je n'ai pas de souvenir précis sur la manière qu'avaient les gens autour de moi de parler de la Shoah. Je pense que c'est quelque chose qui est venu par vagues. Ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas été épargné, disons. Je n'ai pas été épargné par les détails. Je pense que notamment ma mère n'a jamais voulu me cacher quoi que ce soit. Alors que les autres enfants étaient en train de se remettre de la mort du Père Noël, je devais faire face à la mémoire d'histoires tragiques et d'une extermination de notre famille et de d'un milieu que je ne pouvais plus connaître. Ce que j'aimerais, c'est qu'au moins on puisse se souvenir de la civilisation juive en Europe qui a été détruite. Une sépulture à ma famille qui n'en a jamais eu, et aussi indirectement à tous ces gens qui ont été brûlés. Je suis parti de Hongrie après avoir fait mon deuxième long métrage. Aujourd'hui, je vis à Londres. Je gère sur le continent européen. J'ai toujours été un peu en exil. Et c'est parce que je me sens aussi un peu exilé. Là où j'ai vécu, j'ai toujours été un peu un étranger. Donc je me vois là aussi une nouvelle fois dans une nouvelle version de cet exil. Wenn ich darüber nachdenke, was eigentlich Europa als Bild sein könnte, quand j'imagine l'Europe, je pense à une œuvre d'art. Dann fällt mir noch was anderes ein. Es gibt von Chillida, von dem spanisch-baskischen Bildhauer Chillida. Et plus précisément à celle d'Eduardo Chillida, un sculpteur basque espagnol. Ein Bild, c'est un dessin. En noir et blanc, lauter schwarze Quadrate oder auch so hammerartige Rechtecke. De grandes taches noires rectangulaires sont disposées en cercle et forment un centre blanc au milieu de la feuille. Und das Erstaunliche an dem Bild ist, ce qui est le plus frappant dans cette image, c'est que ce sont les taches noires qui structurent l'espace. Den Raum formieren, ihn herstellen. Sans elles, l'espace n'existerait pas. On ne le verrait pas. Un Raum gibt, der sich gestaltet, der eigentlich nicht sichtbar wäre, wenn es diese Gestalten am Rande nicht gäbe. Et ce sont ces taches qui lui donnent sa véritable force. Seine wirkliche Kraft geben. Und ich glaube, das ist auch ein, wäre ein weiteres sehr schönes Bild für Europa. Je trouve que c'est une belle image de l'Europe. Perdre l'Europe avec Clara Royer, Pia Schöllenberger, Jacques Le Rider, Étienne François, Johann Chapoutot, historien. Peter Nadasch, Edgar Hilsenrath, Olga Tokarczuk, Marie-Louise Knott, Sylvie Richterova, Leonid Girchowicz, Doron Rabinovici, Ingo Schulze et Robert Menas, écrivain. Petr Kral, poète, Christian Lupa, dramaturge et Laszlo Nemes, cinéaste. Voix, Claude Aufort, Patrice Bornand, Laurent Lederer et Andrea Schiffer. Traduction, Lou Elio, Luba Jorgensen, Agnieszka Zgieb. Documentation, Maria Contreras. Mixage, Alain Joubert. Une émission de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lilin. À demain, Perdre l'Europe, des murs dans la tête. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter sur les ruines, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, des murs dans la tête.